Dimanche, votre soirée sur M6. Tu carcasses, hein. Ton oncle veut laisser 50 000 francs à la vache. 20h30, tendrement vache. Jean Lefebvre croit reconnaître sa femme dans les traits de sa vache préférée. Une farce paysanne, savoureuse, irrésistible. Elle est chez elle, ici. Allez, remuez-vous, hein. Remuez-vous, au travail. 22h15, massiste dans les mines du roi Salomon. Le célèbre géant barre la route aux manœuvres cupides des ennemis du roi Namar. Une épopée spectaculaire dans un cadre grandiose. Mérite un meilleur sort. Joyeux Noël, dimanche, sur M6.